5h ce matin, hein, c'est pas bien. Job dating, NPE sus caillou, assez ultra relou. J'ai pas traîné mon corps, plus furtif qu'une bise de loup. Des clous, hibou, ça pue le graillou. J'ai fui écrire des mots doux à celle qui est matelou. Elle m'appelle loulou, j'trouve ça que loup. Tu t'en fous, j'ai le que loup, coco, pas toi. T'es traîné, ben ouais, je sais que tu fais pas exprès, mais vraiment, t'es moche à regarder. Un petit air, genre j'marchais, j'vais passer au marché. Je lève assez tard, très, oui, j'raconte ma vie. J'me la raconte un peu des fois, oui, non. Peut-être, je sais pas, va savoir, en tout cas, j'aime boire que du blanc. Mon con, what's up connard, mon pantalon est plus serré et ma moustache une vraie. T'as qu'à bien regarder, t'as qu'à bien tenir. J'y tiens, je suis un pire, voire vilain. Quoique, ma gomme trouve beau, c'est beau. Baudérec, Baudéric, allemand déclic, pas de clic. J'ai bien 2-3 amis, je suis sûrement pas si gentil. Homme, mon bonhomme, un random play. T'es une play, toi, pas mon toi. C'est Milou, bloque un peu sur Tintin. Ben, ouais, je suis pimpin. Ben, tiens, lève les mains, un Tintin. Je hais les chiens, hein, je chie sur le gratin. Crotin, canin, PTT, TTC, pareil, ramassis mon Mongolien. Si j'avais une voiture et le permis, derrière ma voiture, il traînerait bien. Surtout petit gros, parce que le noir, ça serait pas une gloire. Ma gloire, il est sympa, qui la texte, petit sexe. Moi, c'est vodka sexe, malgré mon petit sexe aussi. Saucisse, caprice, c'est fini. C'était pourtant la vie de mon premier tambour. J'suis lourd, bourreleux, mon copain. What's up, connard? What's up, connard? What's up, connard? Connard, mon pantalon est plus serré et ma moustache une vraie. T'as qu'à bien regarder, t'as qu'à bien me tenir. J'y tiens, je suis un pire. What's up, connard? What's up, connard?